Éole, la nuit. Je restais debout à contempler la rivière qui passait non loin d'Éole. La lumière d'une nuit étoilée dansait sur l'eau. L'image tordue d'une lune déjà difforme tanguait parmi les nénuphars. Il s'était passé 2 semaines. 2 longues semaines durant lesquelles nous avions aidé Éole et ses habitants à préparer leur défense contre les rats. Et demain, nous allions combattre Ratis et ses alliés dans la grande clairière. Un dernier combat, une dernière nuit avant l'attaque. Le nouveau monde était là, sous mes yeux. Un nouveau monde auquel j'avais tant rêvé étant petit à Wish City. Je l'avais su très jeune, je l'avais senti. Il y avait bien quelque chose au-dessus du grand plafond et non pas ce grand vide que les scientifiques Baefwish présentaient comme la fin du monde connu. Le nouveau monde. J'y avais tant rêvé et pourtant, à la veille d'une grande bataille, j'éprouvais un mal-être grandissant. Wish City me manquait. Mon monde, celui où j'étais né, me manquait. Les cavernes. Là-bas, pourtant, je n'étais qu'un creuseur, un ouvrier. Où était ma vie? Où devait-elle se passer? Où me sentirais-je vraiment chez moi? Squeak. Je me suis retourné. Au pied d'un arbre, Mila et Booz me regardaient. On ne te dérange pas? Non. J'ai posé mon regard sur la rivière. Je me suis agenouillé et j'ai lancé un caillou dans l'eau. La nuit était belle. Le caillou a fait quelques ricochets pour finalement s'enfoncer dans l'eau sombre. Mila et Booz me rejoignirent. Quand j'étais petit, j'allais souvent aux chutes faire des ricochets. Le nouveau monde n'est pas si différent de celui des Baefwish finalement. J'ai humé l'air du soir. Tout était pourtant différent. Non, pas différent, mais avait pris un autre chemin. Il y avait des ressemblances, mais elles se confondaient avec les différences. Ici aussi, il y avait de la terre, mais elle était plus douce, plus humide, plus molle parfois. La nuit est belle dans ce monde. J'aurais jamais imaginé l'existence de... des étoiles. Tout est plus grand ici. Oui, pourtant, il y a plus petit que nous. Sur un nénuphar, il y avait une sorte de petite puce blanche. Elle sauta sur une fleur un peu plus loin. On dirait que notre voyage va toucher à sa fin. Oui, moi aussi, j'ai comme l'impression que demain, tout va jouer. Soit Ratis passe. Soit il trépasse. Il en ira de même pour nous. Vous vous souvenez de notre première rencontre? Quand on est allé voir le grand trou pour la première fois? Ouais, je m'étais échappée du palais de mon père pour voir ce fameux grand trou. On y percevait déjà le ciel étoilé. C'est là que tout est parti, avec l'arrivée des persévères. Ouais, s'il n'avait pas été là, tout aurait été différent. S'il ne nous avait pas mis en tête que nous pouvions faire quelque chose contre les rats, nous aurions retrouvé chacun nos petites vies. Non, je ne crois pas. Même si les persévères n'avaient pas été là, t'aurais voulu découvrir le nouveau monde, Squeak. T'as toujours voulu voir des autres choses. Je me demande si la vie a changé à Wish City depuis tout ce temps. Mila semblait nerveuse. Elle hésitait à ajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Mila? Vous savez, quand on est allé dans le tunnel sous l'arbre du conseil pour voir si on pouvait pas retrouver Wish City. Oui, il y a un cul-de-sac. Il y en a plus. Quoi? Chez nous. Nous pourrions peut-être rentrer chez nous. César a envoyé des écureuils creusés. À l'heure qu'il est, s'ils ont eu un peu de chance, et si... Enfin, peut-être qu'ils ont établi le contact avec Wish City. Oh, ce qui voudrait dire que... Et peut-être les nôtres monteront à la surface. Pour nous aider. Et si nous gagnons, nous sommes sûrs de rentrer chez nous. Ouais. Booz recula de quelques pas prêt à s'en aller. Oh, ne regardez pas avec cet air triste. Je commence à me faire à l'idée que moi je rentrerai jamais à Wish City. Je ne veux pas qu'en rentrant je propage la maladie des rats que je porte. Si j'éternue, si je saigne ou quoi que ce soit d'autre, la maladie se propage. Mais là, elle tuera tous les Baefwish. Alors ça va, hein, vous inquiétez pas. Mila a aussitôt tourné la tête vers moi inquiète. Moi aussi, j'ai été mordue par un rat. Bender t'a soigné assez tôt, la maladie n'a pas eu le temps de faire son nid. Finalement, je m'habitue au nouveau monde, moi. Vous avez besoin que de vous deux. Vous êtes faits pour rester ensemble. Vous êtes faits pour retourner à Wish City. Il souriait en disant ça. Lentement, il tourna les talons, s'engouffrant dans la forêt. Nous l'avons regardé disparaître dans l'obscurité pour rejoindre Éole. J'ai tourné la tête vers Mila. Qu'est-ce qu'il voulait dire par « vous êtes faits pour rester ensemble » Bah, je sais pas. Ses yeux. La lumière de la lune brillait dans ses grands yeux. Tu feras attention à toi demain, hein ? Ratis fera tout pour que... Faut que je me batte contre lui, Mila. Je suis obligé d'être dans la bataille. Tu sais, C'est pour ça que tu dois faire attention. Nous nous sommes tournés tous deux vers la rivière. C'était peut-être notre dernière nuit. Bye, Fouiche.